À l'occasion du 5e anniversaire de l'inspection de Panmunjom par le dirigeant suprême Kim Jong-un, Choi Se-jin, secrétaire général de la filiale du district central et méridional de l'Association générale des Coréens en Chine, a publié le 1er mars un écrit dans la page internet de l'Association générale des Coréens en Chine, Baekdu Hanna. Voici le résumé. L'historique inspection de Panmunjom par le dirigeant suprême Kim Jong-un a été un événement de portée historique nationale montrant la volonté patriotique du grand homme sans égal de déjouer le défi odieux des forces sécessionnistes au moyen de Songun et de réaliser à coup sûr l'œuvre de la réunification de la patrie. À présent, les États-Unis et les autorités sud-coréennes, loin de tirer la leçon du passé, livrent les exercices militaires conjoints d'envergure visant la première frappe nucléaire. Mais nous n'avons rien à craindre. Nul dans le monde ne peut barrer la voie à la Corée du Sud qui avance dynamiquement suivant la direction du dirigeant suprême Kim Jong-un.